douce beauté qui tant me coûte cher. Rude en effet, hypocrite douceur, amour plus dur que fer à mâcher. Nommée copie de ma défaçon sœur, cher me fait long la mort d'un pauvre cœur. Orgueil musé qui j'en mets tout mourir, et sans pitié ne veut droit de rigueur. Sans empirer un pauvre secourir, mieux m'y valut avoir t'été cherchier. Ailleurs, secours c'eût été mon honneur, rien n'eût mieux su tort de se fait hacher. Trop t'aimant faute en fuite et déshonneur, haro, haro, le grand et le mineur. Et qu'est-ce si, mourrais-je sans coup férir, ou pitié veut selon cette teneur. Sans empirer un pauvre secourir, un temps viendra qui fera dessécher, jaunir, flétrir, feutre et panifleur, je m'en risse, ce temps puisse mâcher. Lors Ménénis ce roi donc folleur, vieille je serai, vous l'aide sans couleur. Or, buvez fort, tant que rue peut courir, ne donnez pas à tous cette douleur, sans empirer un pauvre secourir. Prince amoureux des amants, le graineur, votre malgré ne voudrait encourir, mais tout franc-cœur doit par notre Seigneur, sans empirer un pauvre secourir. Oui, prince amoureux des amants, le graineur, votre malgré ne voudrait encourir, car tout franc-cœur doit par notre Seigneur, sans empirer un pauvre secourir.